mâcher des tordus. Tous les ports du monde ont chacun la leur. Celle qui vous plombe à 100 dollars de l'heure. Y'en a toujours une pour t'emballer le cœur. Une qui est plus douce, plus gentille que ses consoeurs. Qui te dit c'est ok, parfois je t'aime. Une qui te promet d'attendre que tu reviennes. Mais qui gêne pas pour y retourner quand même. Martiniquaise, partie niquée. Une Angolaise partie se faire engoler. Une Thaïlandaise faite pour tailler. Une Mexicaine excitant le m'exciter. Dans ces bordels, je peux dire que j'ai aimé les jouvencelles comme les vieilles édentées. Pourvu que ça respire. Et puis que ça bouge, et que ça me fasse rire, sinon c'est le carton rouge. Mais chaque fois y'a une petite qui est pas pareille, qui a les yeux plus grands que la mer et le ciel, qui te prend toute la tête comme un soleil, qui te fait la fête, qui connaît pas le sommeil, qui te rend ta tête en prenant ton oseille. Armoricaine, armoirisée, une brésilienne qui s'appelait Roger. Avait pas de frère, une Irlandaise terminée à la bière. J'en ai tellement fait dans tous les pays, j'ai l'impression de naviguer rue Saint-Denis. De toutes les couleurs, de toutes les races, y'a des petites sœurs qui ont laissé des traces. À chaque escale, le grand amour m'attend. Quand je craque, je fais pas semblant, je saute dedans. Pour peu que je tienne une caisse, j'y pense trop fort. Je suis comme un kleps fidèle jusqu'à la mort. À la tigresse qui s'occupe de mon corps. Bergère allemande qui aboyait. Une portugaise qui avait 60 balais. Une égyptienne qui faisait les fouilles. Une vénérienne qui refilait la ch'touille. Sur les colonies, une beauté black et je repeuple les Antilles. Quelque chose s'enflamme à chaque fois. Pour une de ces dames, je fais n'importe quoi. Peut-être même bien que j'arrêterai de picoler, d'être marin et devenir quincailler. Ne plus avoir qu'elle comme ciel de lit. Lui dire qu'elle est belle et que c'est pour la vie. Oublier le bordel. Londonienne qui était toute molle, et une tartare absolument mongole. Une Suédoise qui suait dur, une Miss Pôle Nord ou un phoque, je suis pas sûr. Martiniquaise, Martiniquée, une Angolaise partie se faire engueuler. Excitant le Mexité. Armoricaine, armoirisée. Une Brésilienne qui s'appelait Roger. Une Sicilienne qui avait pas de frère. Une Irlandaise terminée à la bière. Bergère allemande qui aboyait. Une Portugaise qui avait 60 balais. Une Égyptienne qui faisait les fouilles. Une Vénérienne qui refilait la ch'touille. Pas sûr. Merde. Oh. Putain, le mec, il en met pas une dedans. À qui tu causes? À moi-même. Je réfléchis tout haut. Tu fais du mal pour rien? Je sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, je me sens vanné. Comme si je m'étais fait têter les yeux par la racine. Putain, t'es pas un furet, toi. Ça, je vous le fais pas dire. Moi, je suis plutôt du genre félin. Un léopard. Je guette la proie. Je suis un chasseur. Moi, j'aurais pu faire carrière dans la CIA ou un truc du genre, hein. L'élite, quoi. Il y a un type qui a dit que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Ah bon? Yeah.

I'm sick of all the dips. I'm sick. I'm sick and I go to sleep at night. I'm still sick in the broad daylight. Cause I'm bored. I'm bored. I'm the chairman of a board. The fire. got the jackknife beat, killer of the backbeat, sapping on the syrup, let her take a backseat. Is boiling to the brim. What's brewing in the basement's bound to overspill. Je veux m'arracher en soulier. Je suis pas un petit PD qui veut devenir pompard ou policier. Demain, je veux de l'artiste, je veux le claquer pour ma gueule. Ça va bousculer au portillon. Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est avoir du blé ou un truc où tu fais le beau? Un truc où tu gagnes des loves? Va savoir s'il y a plus moyen de trimer, s'il y a plus de boulot, plus à bouffer. Ça m'évitera de faire la queue. Je serai au chaud, blindé et enfourré jusqu'aux yeux. Et le Molière pourra toujours me charrier avec ses pèses à la con. Je serais bourreuse si je ferais pas semblant d'être malade. Je vais les faire frétiller, moi, les carrosseries. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux. Mais comment tu causes, toi, Pinocchio? Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la mode, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir. Quand on n'a rien pour soi que le chèque de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer. Je vais les rues, je vais les lieux où on ne m'attend pas. Ce que je croise au fond des yeux, l'on ne me voit pas. Je des gens comme moi qui n'ont l'air de rien. Des esclaves en muselière qui n'en pensent pas moins. Je paie la mort, je paie la pierre, je paie celui qui existe. Mais dans l'ombre du miroir je ne vois que du triste. Parano dans les rues, putain je parle sale. Toxico au pognon, je vais droit au cercueil. En or s'il vous plaît je voudrais qu'on m'inhume. Mais j'ai les moyens que de la fosse commune. Un jour c'est vrai je vais finir par me trouver un flingue. Et je descendrai dans la rue si tu veux je déclingue. Ils me mettront au fond du trou une balle dans la tête. Putain ce sera pas pire que mon putain de quotidien. Je me lève et je prends des piles pour dormir. Je prends le métro dans la main, je vais partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. J'ai des amis, j'ai des amours, je connais pas leur nom. On sort de tout ce gré d'étoiles sur qu'on est pris dedans. Sur qu'on est rien de rien, que du vide, que du vent. Sur qu'on est rien, rien que des morts, que des morts vivants. Je rêve un jour de rencontrer les filles de Miami. Les stations s'enchaînent. Moi je sors à Vitry dans le couloir du métro. Je crache sur les murs. Mais la nation me quête, mais la nation me quête. Je suis un homme mort coincé entre quatre murs. Je suis un homme moderne. Je me cogne la tête et j'essaie de m'enfuir. Mais les miradors guettent, les miradors guettent. avec les dauphins. Je me lève et je prends des piles pour dormir. Je prends le métro dans la main, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Moi de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des piles pour dormir. Les choses se ressemblent et putain que c'est triste à mourir quand on n'a rien pour soi que le chèque. Dans les chewing-gums, du cachet pour maman, des antidépressions, du Viagra pour les vieux et des calmants pour les enfants neuroleptiques. Toujours sûr qu'on cherche le jour où nous verrons lumière dans tant de contre-jours. Société s'est perdue, nos amours sous tranquillisants qui sommeillent dans les cœurs des métros de perdants. Tu conviendras le jour où nous retrouverons flamme. Ici tout est fini, Paris n'est plus Paris. Chez les gauchistes dans la droiture, chez les anards de mon pays, y'a que les télés qui s'allument et les filles qui disent oui.